Dans notre spécial Trihors 2019, on est rendu à notre bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et au prix Trihors, il y a aussi des prix qui sont donnés par région, donc ce qu'on appelle les prix export. Et du côté de Export Ouest, eh bien, on a quelques bons artistes qui sont là, entre autres Étienne Fletcher, qui nous a offert tout récemment un album, un EP, qui s'appelle tout simplement Côté A. Ça veut dire qu'il y a sûrement un côté B qui va sortir à un moment donné. Donc, on va entendre la pièce Chérie, Chérie, qui a beaucoup tourné à la radio. Donc, ça va nous faire plaisir de vous faire entendre ça. On va entendre aussi le groupe qui s'appelle tout simplement Jeremy and the Delicious Hound, qui, eux, sont dans la catégorie groupe en général. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur tout simplement un album complet. On va sûrement les croiser. Je vais sûrement les croiser au prix Trihors. Je vais poser la question, savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, parce que j'adore ce qu'ils font. Ils font du soul, rhythm and blues, funk assez intéressant. Et on va entendre la pièce « On ne fait que commencer ». Très, très, très bonne pièce. Et puis par la suite, on va entendre Pontex avec Jorage, la pièce titre du EP qu'ils avaient sorti il y a quelque temps. C'est ce qui est mis en nomination dans le prix Export Ouest. Donc Pontex, on va les entendre avec la pièce titre de leur petit EP Jorage, mais ils viennent de sortir un nouvel album avec Faux-Pas et d'autres bonnes pièces, bien entendu. Mais pour l'instant, voici Chérie Chérie de la Saskatchewan, M. Étienne Fletcher. Tout vider, t'en reste juste assez. Thank you. Pontex avec leur chanson « J'orage », c'était le titre du premier EP de Pontex. Ils ont un nouvel album qui vient de sortir tout récemment. Donc, bien entendu, ça sera pour le prochain gala qui sera en 2021. Autre artiste qui vient de sortir un album, mais qui à l'époque avait présenté quand même une pièce, un simple pour les radios, c'est Rihanna qui, elle, se retrouve également dans la section Export Ouest. Et c'est une artiste, auteure-compositrice, interprète qui joue des claviers et qui joue beaucoup avec les séquenceurs sans vraiment perdre la nature de l'artiste. Donc, vraiment très intéressant ce qu'elle fait. On va l'entendre avec « En attendant demain ». Et tantôt, je vous parlais que Suzanne Kennelly bien, était dans la section jazz. Elle est de Winnipeg également. Et on va l'entendre avec le blues des boîtes en carton dans quelques instants. Le bruit des enfants, des voisins qui crient leur impunité, qui crient le fabuleux destin d'une vie à peine commencée.